Chapitre 2e. Ces routoirs sont des fosses carrées profondes d'environ un mètre. Sans même avoir eu le temps de pousser un cri, en moins d'une seconde, j'eus de l'eau par-dessus la tête. Je sentais couler sous mes pieds les grosses pierres qui servent à submerger le chanvre. L'eau m'entrait dans les narines et me faisait glouglou aux oreilles. Pourtant, je ne perdis pas la tête, et je me rappelle très bien la série des réflexions qui traversèrent mon cerveau avec une rapidité électrique. Je vais me noyer. Mes parents ne m'ont pas entendu tomber. Ils ne viendront pas à mon secours, c'est fini de moi. Si seulement je pouvais mettre ma tête hors de l'eau. Et poussé par l'instinct de la conservation, me haussant sur les pierres croulantes, tâtant les parois d'une main convulsive, j'eus la bonne fortune de rencontrer une souche d'osier. Je m'y cramponnais, et ma tête émergeant de l'eau parmi les grandes herbes, je criais de toutes mes forces « Maman !» Mon père et ma mère, inquiets de ma brusque disparition, étaient déjà retournés sur leurs pas. À mon cri, ils accoururent vers le routoir. Il était temps. Mes forces s'épuisaient, et j'allais lâcher les osiers. D'un tour de main, mon père me repêcha et me déposa sur l'herbe. « Dans quel état, bon Dieu ?» J'étais vert comme une grenouille, mes vêtements étaient vaseux, ma toque polonaise était restée au fond du routoir, et de mes cheveux, de mon nez, de mes oreilles, pendaient de longs filaments verdâtres qui exhalaient une insupportable odeur sulfureuse de chanvre pourri. « Malheureux enfant !» s'écria ma mère avec des sanglots dans la voix. Mon père avait bonne envie de gronder, mais ce n'était pas le moment. Le plus pressé était de regagner la maison pour m'y faire sécher. Quant à moi, heureux d'être sorti de la fosse aux chanvres, je pensais « Pourvu que Francine ne me voie pas dans ce triste état. »« Dépêchons !» murmura mon père en me prenant par la main. Je ne demandais pas mieux que de quitter au plus vite cette maudite prairie, qui, pour sûr, devait être enchantée. Mais le moyen de marcher rapidement avec des souliers pleins de vases, qui, à chaque pas, lançaient des jets d'eau par leurs ouvertures. Mes vêtements me semblaient lourds comme du plomb, et sous ces hardes mouillées qui me plaquaient au corps, je me sentais comme rétréci et recroquevillé. Avec cela, j'étais transi et mes dents claquaient. « Il a de quoi lui donner le coup de la mort, » gémissait ma mère. « Avant que nous soyons chez nous, il aura attrapé une fluxion de poitrine. » À mi-chemin, en face de la gendarmerie, il fallut s'arrêter. Je n'en pouvais plus. Mon père nous fit monter chez le brigadier et lui conta ma mésaventure. La brigadière, prise de compassion, jeta un fagot sur les chenets, et pendant qu'on me déshabillait, une belle flamme clairante eut bientôt réchauffé mon frêle corps grelottant. Il n'y avait pas moyen de songer à me revêtir de mes habits. La brigadière me prêta ceux d'un de ses bambins, et je me souviens encore de la sensation que me fit sur la peau la rude chemise à gros grains du petit gendarme. Les culottes de ce jeune brigadier étaient trop longues pour mes jambes et sa veste me tombait au jarret. C'est dans ce costume peu chevaleresque que je rentrai au logis où l'on me coucha avec une belle semonce et une chaude tasse de tilleul odorant que j'avalais à moitié endormi. Dans une petite ville comme la nôtre, mon aventure défraya pendant plusieurs jours toutes les conversations. Les routoirs de la promenade furent proclamés un danger public, et le journal du cru somma la municipalité de faire combler toutes les fosses aux chanvres. J'étais devenu un personnage, et je me trouvais très fier de ce nouveau rôle. Aussi, dès le surlendemain, bien que je fusse encore enroué à la suite de mon plongeon, je courus chez les demoiselles Pêche. Mon entrée fit sensation, les apprentis, tout émus, se levèrent pour m'embrasser, et mademoiselle Hortense frotta contre mes joues son menton barbu. « Te voilà donc, mon fils !» s'écria-t-elle. « Tu l'as échappé belle, pauvre petitot. Tiens, nous parlions de toi, justement, avec ces dames. » Je ne pus répondre, la voix m'ayant manqué tout à coup en apercevant, derrière les apprentis, Francine avec sa mère. La dulcinée aux tresses brunes dardait curieusement vers moi ses grands yeux noirs, dont le regard me fit refluer le sang en cœur. « Il est encore tout blême, » remarqua mademoiselle Céline, se méprenant sur la cause de ma pâleur. « Il a de quoi, après un pareil bain ?» « Raconte-nous comment la chose est arrivée, » dit mademoiselle Hortense. Je repris un peu d'aplomb, et tout fier de l'attention de Francine, je contais comment je m'étais laissé choir dans le trou couvert d'herbe. Seulement, je me gardais bien de mentionner le motif qui m'avait poussé à caracoler à travers les prés. « Ah !» s'écria la bonne Hortense en joignant les mains. « Voyez-vous cela ? Une minute de plus et c'était fait de lui. C'est merveille qu'il s'en soit tiré. » La Sainte Vierge l'a protégé. Ajouta gravement mademoiselle Céline. Certes, le doigt de la Providence est là comme en toute chose. D'ailleurs, la Sainte Vierge protège ceux qui la prient. Il savait que Jacques est un enfant pieux. Je suis sûr, petit, que lorsque tu t'es vu en danger, tu as dit un Ave Maria. Je tournai d'un air embarrassé ma casquette entre mes mains et je regardais hypocritement le bout de mes souliers. Vraiment ? Demanda mademoiselle Sélénie. Aurais-tu songé à faire une prière à la Sainte Vierge ? Dame, mettez-vous à ma place. J'étais fort perplexe. D'un côté, répondre oui, c'était mentir effrontément. Mais si je répondais non, je passais pour un impie. Je scandalisais ces pieuses filles et je perdais leur bonne grâce. Et puis il y avait la Francine et sa mère qui écoutaient, sans compter les apprentis. Mon importance me grisait, et je n'étais pas fâché d'entretenir l'intérêt qu'excitait ma petite personne. Je balbutiais, et j'étais devenu rouge comme un coquelicot. « N'aie pas de fausse honte, insista mademoiselle Hortense. Réponds franchement, mon fils. Tu as dit un ave, n'est-ce pas ? C'est si naturel dans un pareil moment. » « Mon Dieu, murmurai-je. Mon Dieu, oui, mademoiselle. Voyez-vous ? S'écria triomphalement Hortense. La Sainte Vierge l'a entendue et l'a miraculeusement sauvée. Oui, c'est un miracle, affirma solennellement mademoiselle Sélénie. La Vierge Marie a visiblement protégé cet enfant. Voilà de quoi faire réfléchir les incrédules et les esprits forts, ajouta-t-elle en lançant un coup d'œil significatif du côté du mur de ma grand-tante. Cette fois, j'étais devenu tout à fait un héros. On me choyait. Mademoiselle Hortense m'avait apporté une part de tarte. Les apprentis me caressaient. La mère de Francine, en s'en allant, me donna une tape sur l'épaule et ma dulcinée, sur le pas de la porte, tourna encore la tête d'un air d'admiration et d'envie pour contempler ce garçon dont la Sainte Vierge daignait s'occuper spécialement. Je ne me sentais pas d'aise. Il me semblait que des ailes me poussaient dans le dos et que j'avais troqué ma toque polonaise contre une auréole. Pourtant, une fois au grand air, les fumées de ma gloire se dissipèrent un peu. Je ne songeais pas sans un certain remords au mensonge dont je venais de charger ma conscience. Tout cela n'était pas très chevaleresque, et mon illustre modèle, le vertueux et brave Don Quichotte, n'aurait certes pas menti aussi impudemment. Fût-ce pour désenchanter Dulcinée du Toboso. Après tout, me dis-je pour m'étourdir, pourquoi ces vieilles filles me mettaient-elles ainsi au pied du mur ? La chose d'ailleurs n'a pas d'importance. Chacun sait que les demoiselles pêches sont très simples. On croira que j'ai voulu leur jouer une farce et on leur rira au nez. Mais j'avais compté sans mes deux dévotes. Elles tenaient à leur miracle comme si elles l'eussent opéré elles-mêmes. Mademoiselle Hortense le comptait à toutes ses pratiques et le dimanche suivant, mademoiselle Sélénie en fit la relation à la congrégation du rosaire. Bientôt, l'histoire miraculeuse courut la ville, s'enjolivant d'un nouveau détail merveilleux à chaque narration. Le petit Jacques, ayant roulé au fond du routoir, avait de l'eau jusque par-dessus les oreilles et sentait déjà la mort venir quand il avait eu la pensée de s'adresser à la Sainte Vierge. À peine avait-il murmuré les premiers mots de la salutation angélique qu'un bras invisible s'était étendu vers lui et l'avait tiré hors du gouffre. Quel honneur pour la paroisse et quel sujet d'édification! Les congréganistes allèrent en troupe visiter la prairie témoin de cette intercession miraculeuse et quelques-unes des plus ferventes rapportèrent des fioles pleines de l'eau bourbeuse du routoir. Le jeudi suivant, quand j'arrivai chez ma grand-tante, je lui trouvai une physionomie songeuse et préoccupée. « Entre et ferme la porte, » me dit-elle d'une voix grave. Elle s'était assise dans sa bergère de velours d'Utrecht, près d'un guéridon chargé de pots de confiture qu'elle était en train de recouvrir de papier blanc. Le soleil, qui passait à travers les rideaux de vieille crétonne, jetait un rayon sur le trumeau de la cheminée, où un berger, joueur de flûte, semblait nous lorgner d'un air ironique. Tout en déchiquetant son papier, ma tante fronçait les sourcils et fourrageait dans son tour de cheveux bruns avec la pointe de ses ciseaux. « Jacques, » reprit-elle, d'un ton plus solennel que d'ordinaire, « regarde-moi bien en face. On parle beaucoup de toi, en ce moment, dans la ville, à cause de ton plongeon dans le routoir. On raconte l'affaire tout autrement que tu nous l'avais conté. Est-ce vrai ?» Mon cœur battait, je baissai le nez et je répondis sournoisement. « Quoi, ma tante, je ne sais pas ce qu'on dit, moi. On dit des choses singulières qui confondraient ma raison si elles étaient arrivées réellement. » En murmurant cela, elle semblait se parler à elle-même. Si j'avais eu un peu plus d'expérience, je me serais aperçu du trouble de ma grand-tante, et si j'avais été plus retors, j'aurais profité de son désarroi pour lui en imposer. L'histoire de l'Ave Maria portait un coup à ses idées voltairiennes, et comme elle savait que je n'avais pas l'habitude de mentir, cet incident de la prière marmottée au fond du trou où j'avais failli périr bouleversait tout son système philosophique. « Voyons, » continua-t-elle, « ne baisse pas le nez et réponds-moi franchement. Je ne te gronderai pas si tu dis la vérité. » En même temps, ses yeux clairs semblaient vouloir fouiller dans ma conscience. « On prétend, » poursuivit-elle, avec un accent assez ému, « que lorsque tu étais dans le trou, tu as récité un Ave Maria. Est-ce vrai ? » Son regard honnête et droit m'embarrassait étrangement. Tous mes remords se réveillaient, et je ne me sentis pas le courage de mentir une seconde fois. Je balbutiai tout penaud. « Non, ma tante. » Le front de la tante Thérèse se désembrunit. Elle poussa un soupir de soulagement, hocha avec satisfaction son menton de galoche et s'écria « Je savais bien, moi, que tout cela était une invention ridicule. Mais alors, petit drôle, pourquoi as-tu fait un pareil conte de demoiselle Pêche ?»« Pourquoi ?»« Ah, voilà où commençait le délicat de l'explication. » Je détournai les yeux et regardai les murailles et le plafond. La vue de la gravure de l'amour et Psyché me remémora heureusement le goût de ma grand-tante pour les aventures romanesques, et avec cette rouerie de l'enfance qui sait deviner les faiblesses des gens âgés, et en tirer parti, j'eus l'idée de rejeter mon mensonge sur mes préoccupations amoureuses. Je comptais timidement combien j'étais épris de la petite Francine. Elle assistait à l'interrogatoire des demoiselles Pêche, et c'était pour gagner son cœur que j'avais menti, comme c'était pour la voir de plus près que je m'étais laissé choir dans la fosse aux chanvres. À mesure que j'avançais dans mes confidences, les traits de ma grand-tante se détendaient. Sa grande bouche finit par sourire. « Comment, Morveux, tu es amoureux à ton âge ? En vérité, il n'y a plus d'enfants. » Ces platoniques et enfantines amours étaient faites pour plaire à ma tante. Elle ne se lassait pas de m'interroger. Elle s'amadouait visiblement, et je m'imaginais déjà qu'elle avait passé l'éponge sur mon pseudo-miracle, quand brusquement elle se leva. « C'est égal, » dit-elle. « Tu as eu grand tort de mentir, et je n'entends pas que cette sotte histoire court plus longtemps la ville. Viens !» Elle me prit par la main et m'entraîna hors de la chambre. En un clin d'œil, nous traversâmes la cour commune, et ma tante, ouvrant la porte des demoiselles Pêche, me poussa tout pâle devant elle dans l'atelier. Je vois encore l'aspect de cette pièce au moment où nous y pénétrâmes. Mademoiselle Hortense, perchée sur son estrade et découpant des patrons, Mademoiselle Sélénie bâtissant un corsage, les ouvrières penchées sur leurs coutures, et la porte du jardin ouverte toute grande, encadrant un coin de tonnelle d'où une brindille de chèvrefeuilles s'élançait fleurie dans l'atelier. Au loin, on entendait le nasillement des canards au bord de la rivière. Une capiteuse odeur de seringa arrivait du jardin par bouffée tiède. À la vue de la tante Thérèse, qui mettait rarement les pieds chez ses voisines, tous les bourdonnements de l'atelier s'arrêtèrent. Les apprentis redressèrent la tête. Mademoiselle Sélénie se leva en faisant cliqueter son chapelet, et Mademoiselle Hortense descendit bruyamment de son estrade. « Mesdemoiselles, je vous salue bien, » commença ma grand-tante, « et je vous demande pardon de vous déranger. Mais comme il circule à propos de mon neveu une ridicule et impertinente histoire de miracle, et comme je ne veux pas contribuer à la propagation de l'erreur et de la superstition, je viens vous déclarer que votre bonne foi a été surprise. Il n'y a pas un mot de vrai dans les sottises que vous a débitées ce gamin. » Il y eut un haut de stupéfaction qui s'échappa en même temps de toutes les bouches des apprentis. Puis un silence effrayant régna dans l'atelier. J'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. J'aurais consenti à dégringoler de nouveau au fond du routoir, plutôt que de subir cet affront public. Mademoiselle Sélénie semblait changer en statue, et Mademoiselle Hortense, rouge comme un coq, avait laissé tomber son aune. « Sainte Vierge, » murmura-t-elle enfin, « que me dites-vous là, Mademoiselle Vailleur ? « Ce n'est pas possible. Cet enfant n'aurait pas exposé son salut en commettant un pareil sacrilège. J'aime mieux croire qu'il s'est parjuré devant vous, dans la crainte de vous déplaire. Le respect humain nous pousse parfois à déguiser la vérité aux personnes qui vivent dans le monde et... « Je ne suis pas du monde, » interrompit ma tante, « et cet enfant n'a aucun intérêt à me tromper. D'ailleurs, nous allons tirer la chose au clair. » Dans tous les cas, hasarda prudemment Mademoiselle Sélénie, un mensonge pieux serait encore préférable à une aussi scandaleuse vérité. « Boum, la baille est belle !» s'exclama la tante Thérèse indignée. « Un mensonge est toujours un mensonge, et je veux que mon neveu ne trompe ni moi ni les autres. Voyons, garnement, réponse en barguignée. M'as-tu dit toute la vérité et rien que la vérité ?»« Oui, ma tante. As-tu compté des menteries à ces demoiselles pour te donner des airs intéressants ?»« Oui. » Ainsi, c'est bien entendu, tu n'as pas dit de prière quand tu étais au fond de l'eau. Non, ma tante. Vous le voyez, mesdemoiselles, il n'y a pas eu plus de miracle que sur ma main. La seule chose merveilleuse, c'est que vous ayez cru si facilement aux inventions de ce gamin. C'est comme cela que se forgent les légendes. Vous êtes bien prompte et téméraire dans vos jugements, mademoiselle, répliqua aigrement mademoiselle Sélénie. Qui vous dit que la Sainte Vierge n'a pas sauvé cet enfant à son insu? Ma foi, riposta vertement la tante Thérèse, dans ce cas, la Sainte Vierge ne connaissait guère ce qui se passait dans le cœur du garnement. s'il avait su que le drôle était amoureux de la petite Francine et qu'il courait après elle juste au moment où il s'est laissé choir dans le trou, elle n'aurait probablement pas tendu la main pour la retirer. Ce n'est pas que je le regrette, au moins. J'ai toujours pensé qu'il avait une providence pour les mauvais sujets. Bien le bonjour, mesdemoiselles. C'était la flèche du part. Après l'avoir lancée, la tante Thérèse sortit majestueusement, m'abandonna ma courte honte au milieu de l'atelier scandalisé. Je ne savais plus où me fourrer. Je lançai des coups d'œil désespérés à droite et à gauche. « Fille, le vilain menteur !» s'écrit en chœur les apprentis. Mademoiselle Hortense avait ramassé son aune et la brandissait d'une façon significative en me montrant la porte. « Méchant pire renégat !» s'écria-t-elle. « Sors d'ici, n'y remets plus les pieds, ou sinon... »« Le bon Dieu te punira !» glapit Mademoiselle Sélénie, tandis que je prenais la poudre d'escampette. « Cela finira mal pour toi !» Cela finit mal, en effet. À la suite de cet esclandre, ma famille jugea qu'il était à propos d'arrêter cette sève de précocité qui poussait de si hardis bourgeons, et on me mit comme interne au collège. Francine entra au couvent des Dominicaines et je n'entendis plus parler d'elle. La pauvre grand-tante mourut quelques années après. La chambre Lambripin n'existe plus, et on a rebâti la maison. Mais j'ai gardé mon Don Quichotte. Quand je le feuillette, il me semble que les années s'envolent à mesure que je tourne les pages. Je revois la caisse aux vieux livres, le fauteuil délabré, la citise aux grappes jaunes, le dressoir plein de fruits embaumés. Je crois respirer l'odeur savoureuse de 30 étés évanouis, et ce passé qui ressuscite à chaque tour de feuillet, avec ses couleurs, ses formes, ses parfums, c'est là pourtant un étonnant et beau miracle. La grand-tante elle-même, malgré son scepticisme voltairien, aurait été forcée d'en convenir et de s'en émerveiller. Ainsi s'achève un miracle par André Theuriet.